Et à l'instant, Raymond Poirier est avec nous pour sa chronique Technologie de l'information, puisqu'il est chargé de communication à l'Institut Technologie de l'information et société de l'Université Laval. Létice, allô Raymond. Bonjour Tania. Et on fait un retour cette semaine sur le colloque Ville intelligente, ville durable qui a eu lieu dans les derniers jours. Effectivement, en fait, il faut dire qu'en avril, on a fait un peu un sprint autour des villes intelligentes, autant ici en chronique qu'autant dans la vie avec, on en a parlé, la visite de gens de l'Intelligent Community Forum et avec ce colloque, cette rencontre-là également, qui visait un peu à poursuivre sur la lancée de ce qui avait été mis en place la semaine précédente, à poursuivre la réflexion et à amener aussi des nouvelles perspectives au niveau de la recherche notamment et surtout à réunir un peu tout le monde, donc des gens de l'administration municipale, l'administration publique, des gens du milieu des affaires, des chercheurs universitaires. Et notamment dès le départ, c'était l'idée de définir aussi ce concept-là, d'apporter des précisions. Est-ce qu'on a réussi finalement à mettre une définition sur le concept de ville intelligente? Mais ça reste toujours difficile, mais de manière générale, ce qui en est ressorti, c'est une définition qui a été proposée par Teresa Pardo du Center for Technology and Government de Albany aux États-Unis, qui a dit, regardez, la ville, c'est un système de systèmes. Et dans ce système de systèmes-là, on rajoute donc un autre système qui, lui, est numérique. Donc, au bout du compte, ça vient s'ajouter à une structure qui est déjà présente dans la ville, et on part du principe évidemment dans ça que la ville doit d'abord et avant tout être au service de ses citoyens, qu'ils soient des citoyens ordinaires, qu'ils soient des citoyens entreprises, mais d'une manière ou d'une autre, donc c'est un système de systèmes dans lequel on intègre le numérique pour favoriser la gestion et pour favoriser l'atteinte des objectifs de la ville et de la région par extension. Parce qu'on s'en rappelle, dans le concept de ville intelligente, c'est vraiment autour du citoyen, c'est lui qui prime dans tout ça. Exactement, c'est aussi service du citoyen que tout ça doit être fait. C'est d'ailleurs un élément qui est ressorti beaucoup aujourd'hui, et bien beaucoup en fait le 25 et qui ressort encore aujourd'hui dans cette chronique. Que ce soit à travers des exemples internationaux qui nous ont été donnés, notamment le Angel Network du Mexique, que ce soit à travers les exemples aussi qui ont été développés par les conférenciers invités de la ville de Québec qui sont revenus justement sur des services de données ouvertes, sur des services d'infodéneigement, sur des services de réseau Wi-Fi et autres, et qui ont rappelé qu'à travers tout ça, donc c'est toujours aussi pour le citoyen. Et l'idée aussi est de rendre les liens entre les administrations aussi plus efficients. Donc on dit, si on est plus efficace dans l'administration ou dans les liens entre administrations, ben, on va l'être aussi plus pour le citoyen. C'est notamment ce qui est ressorti de la présentation du réseau Interville, en fait. C'est Québec et d'autres villes de la province qui sont unies pour partager de l'information, pour partager des manières de faire, pour partager des protocoles et des applications dans un contexte d'intelligence collective, si on peut dire. Mais il y a vraiment un concept de globalisation dans tout ça, parce que c'est le citoyen qui est mis au service de sa ville et vice-versa, mais ensuite, les villes entre elles aussi partagent les connaissances. Exactement, et tout ça à l'intérieur de la sphère virtuelle qui devient un peu, puisqu'on parle de système numérique, qu'on intègre au système déjà existant de la ville, donc qui s'impose comme outil à préconiser pour favoriser ce type d'échange. Et notamment, d'ailleurs, dans les échanges entre villes au pluriel, entre villes et citoyens, il y aura un élément qui sera rajouté à compter de cet automne pour une proportion des citoyens de la ville de Québec dans le cadre d'un projet pilote, puis éventuellement, si ça marche bien, étendu à l'ensemble de la population. C'est l'idée d'une vitrine technologique, en fait, d'un coffre-fort virtuel. Il y a un conférencier, Jean-Marie Tirebois, directeur des programmes d'affaires chez Almeris, qui est venu présenter un peu l'esprit de cette initiative-là. Et l'idée est de rapprocher aussi d'autant plus les services du citoyen par la dématérialisation, donc une approche proactive axée sur le développement durable qui met de côté tout ce qui est papier, tout ce qui est paperasse et qui concentre les échanges et les liens d'affaires, entre guillemets, entre citoyens et villes dans la sphère virtuelle. L'objectif, au bout du compte, c'est de créer un système sécuritaire qui respecte les principes de la vie privée, qui favorise le maintien de l'intégrité des données et qui permet un accès rapide au système pour les usagers, donc que ce soit, exemple, pour payer ses taxes municipales, que ce soit pour aller s'abonner à un service offert par les services des loisirs de la Ville de Québec, donc d'avoir un espace virtuel. Chaque citoyen aurait son espace privé et à l'intérieur de cet espace-là, donc il pourrait faire ses transactions et autres, et cet espace-là serait intégré dans un ensemble de services un peu plus large auxquels il pourrait avoir accès selon ses choix. C'est un peu ce qui est ressorti là, de ce système de coffre-fort virtuel qui a été présenté. Mais avec tout ce brouhaha autour de la ville intelligente à Québec, on est un peu forcé maintenant de pousser encore plus loin dans ce sens-là, d'où l'idée de nouvelles fonctions comme celle dont tu viens de nous parler. Oui, et en même temps, c'est une très bonne chose, et c'est un autre élément qui est ressorti de la rencontre, c'est l'idée de collaboration aussi qui devient nécessaire pour pousser plus loin, parce que seule l'administration publique peut aller jusqu'à un certain point, les chercheurs peuvent aller jusqu'à un certain point, même chose pour l'entreprise privée ou pour les citoyens et citoyennes, mais l'idée de ville intelligente, c'est aussi la notion d'esprit collectif qui est très, très important à l'intérieur de ça, et notamment qui est ressorti d'une table ronde avec des gens qui étaient issus de l'entreprise privée, et il y a notamment Nathalie Quirion du Parc technologique du Québec métropolitain qui disait, regardez, l'intelligence, c'est pas seulement non plus la technologie, mais c'est aussi tout ce qu'on retrouve autour de cette technologie-là. Et donc, les gens de l'entreprise qui étaient présents ont dit, regardez, c'est très important justement ces collaborations-là qui jaillissent autour de projets dans un contexte où à Québec, en plus, on est en mode projet de plus en plus. C'est facile d'amener des collaborations, d'amener des innovations. Et dans ce contexte-là, ils ont aussi souligné l'importance d'une culture universitaire qui est très active, qui est présente et qui aussi participe à l'intérieur de ces échanges pour, oui, former la relève, mais oui aussi mener, développer des projets de recherche. Donc, bref, il y a cette idée de collaboration-là qui est très positive, au bout du compte, pour la région, et surtout dans l'idée où la ville intelligente a un pouvoir attractif qui est quand même assez fort, assez important, autant pour des entreprises que pour des citoyens. Quand il y fait bon vivre, quand il y fait bon faire des affaires, eh bien, les gens veulent venir, veulent s'y installer aussi. Donc, c'est autour et pour le citoyen, c'est organisé par la ville, par l'entreprise privée, par l'université aussi. Vraiment, tout le monde y prend part. Tout le monde y prend part. Et tout ça aussi, Tania, peut même prendre une perspective continentale, on pourrait dire. Il y a des chercheurs qui sont venus présenter différents projets de recherche qui sont rattachés à la ville intelligente, parce que c'est un contexte et un concept qui est très qui est parapluie, hein, qui englobe beaucoup de choses. Et notamment dans la perspective continentale, c'était Benoît Montreuil, qui est professeur à la Faculté des sciences de l'administration à l'Université Laval, qui est venu présenter un projet qui s'appelle l'Internet physique. Donc, c'est assez complexe comme projet. Lui avait le défi d'en parler en 20 minutes. Il disait, regardez, ça me prendrait une heure et demie. Moi, je vais essayer de vous en parler en une minute. Alors, imaginez l'effort. Mais essentiellement, donc, pour résumer en termes simples, Internet, quand on diffuse des informations, on va pas du point A au point B avec un petit peu d'informations. On se déplace en cluster de données. Donc, dans le fond, on fait un amalgame des données qui ont à circuler entre un point A et un point B. Mais par contre, aussi, pour se rendre du point A à un point B, il y a plein de petits chemins. Donc, si, exemple, j'envoie un courriel, moi, de Québec à quelqu'un qui habite à Los Angeles, eh bien, mon courriel ne partira pas de Québec pour se rendre directement à Los Angeles. Donc, c'est pas un vol direct. C'est pas un vol direct. Il y a d'autres informations qui sont générées qui doivent prendre des chemins similaires. Et là, mon courriel va peut-être se rendre à un centre de serveur à Québec. Ensuite, de ce centre-là, va passer peut-être par un centre plus gros à Montréal qui va l'amener à New York, qui va l'amener tranquillement, comme ça, par étapes, à travers le continent. Et à chaque fois, dans le fond, il va toujours rester regroupé avec d'autres informations qui doivent faire une partie de ce chemin-là ou la totalité de ce chemin-là à partir des mêmes points. Et donc, l'idée, c'est qu'il n'y a aucune énergie de déplacement, dans le fond, qui est gaspillée, qu'on maximise chaque section du trajet. Alors, lui dit, regardez, c'est génial comme manière de faire, parce qu'il y a beaucoup d'économies, d'efficacité, de coûts et autres qui est faite avec une approche comme celle-là. Et maintenant, si on pouvait s'en inspirer pour l'appliquer au transport, mais dans leur globalité. Donc, imaginons que si j'ai une marchandise qui doit quitter de Québec vers Los Angeles, mais que ça puisse faire le même circuit, que plutôt de faire un chemin direct, comme c'est bien souvent le cas actuellement, eh bien, on va faire une série de petits chemins de centres de transfert, ce qui fait que le camionnage va pratiquement se faire en 24 heures et va se faire par étapes sans arrêt. Donc, la marchandise, elle, n'a pas besoin de pause. Et les camionneurs, oui, mais par contre, si on intègre un système plus efficace, justement, de points continentaux, eh bien, ça permettra de déplacer les marchandises comme on déplace le web. Et donc, il y a cette idée-là. Parallèlement, il y en a d'autres aussi. Leslie Rush, notamment, du département de génie électrique, génie informatique, qui, elle, est venue parler de la fibre optique en disant, ben, regardez, il faut aussi accentuer les recherches en matière de fibre optique. Si on la rend plus efficiente, il y aura plus de données qui pourront circuler, qui pourront être stockées. Et donc, ça permettra de poursuivre l'atteinte des objectifs qu'on s'est donnés avec la ville intelligente. Il y a Yvan Bédard, du département de sciences géomatiques et de l'Université Laval, toujours, qui, lui, est venu dire, regardez, la ville intelligente, ça génère énormément de données. Oui. Il faut aller puiser à l'intérieur de ces données-là, se donner des outils d'analyse, d'intelligence d'affaires, d'analyse de décisionnelle pour maximiser tout ce qui va être produit par la ville intelligente. Il y a aussi Carole Després de l'École d'architecture qui, elle, est venue parler aussi de l'impact de la ville intelligente sur le développement de la région de Québec, en disant aussi que ça pouvait permettre un développement plus fort des premières, deuxième couronnes du centre-ville dans une perspective où, selon les statistiques qu'eux ont au groupe de recherche interdisciplinaire sur la banlieue, mais que le développement démographique de Québec atteindrait un point de stagnation dans les années 2040. Et donc, dans ce contexte-là, ça peut permettre de renforcer les quartiers déjà existants. Donc, plusieurs idées comme ça qui sont issues de la recherche et qui montrent bien les possibilités, au bout du compte, qui sont offertes là, par la ville intelligente. Alors ça, c'est un résumé du colloque Ville intelligente, ville durable, regard multiple sur un concept incontournable. Tu as résumé ce que les gens ont résumé de leur recherche, mais on retrouve un peu plus de détails sur le site de l'ITIS. Sur le site de l'ITIS, itis.ulaval.ca, donc résumé complet en fallait dans nos activités, ou sinon je crois qu'il est encore aussi sur la page d'accueil. Et on le dit toujours, c'est très important. Je conclurai peut-être, Tania, avec les termes de Milad Douéi, qui faisait la conclusion de clôture et qui disait, regardez, la mobilité et dans la ville, c'est une nouvelle manière de faire société, c'est une nouvelle manière d'envisager nos rapports entre nous à l'intérieur de nos sociétés et de la sphère urbaine. Raymond Poirier, merci beaucoup. Je rappelle aux gens que si on veut réécouter ces chroniques, on les retrouve aussi sur le site de l'ITIS et que tu es chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société de l'Université Laval.